soudain, qu'est-ce qui les retient? Un côté liberté. Minuit ça craint, c'est la pleine lune. Minuit patin, elle veut ses thunes. Minuit le démon tente un Alsacien au cabaret du Rhin. Barré du Rhin.